Party Sound System, bienvenue à tous et welcome. Nous sommes en direct. Un petit clin d'œil à Hubert que tu retrouves en pleine forme la semaine prochaine pour un autre électrochic le samedi entre 8h et 10h. Maximum de bonne musique avec Hubert que tu peux contacter sur internet hubertgalaxy@hotmail.fr. Au programme de notre émission Sound System aujourd'hui, pas mal de bonnes choses, de la nouveauté comme ce morceau de 2020 Vision, ça c'est le label signé Brett Johnson avec Everything Electric, direction la rétro, l'année 1996, avec tout de suite le groupe Aspirol et le morceau Vital Signs. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. We'll be right back. music or happy people. Happy people. Happy people. System. À l'instant, c'était le groupe Justice avec leur morceau Lower State of Consciousness. Un excellent morceau à retenir. C'est une nouveauté dans le cadre de Sound System en direct ce matin. Bien entendu, il y a de la nouveauté, mais il y a également de la rétro avec tout de suite un souvenir. Souviens-toi, c'était Milk Incorporated avec le morceau Woo. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Happy people. Thank you.

Maxi, Sound System, un souvenir à l'instant avec Antares et le morceau Bright Side of the Sun. On revient dans quelques instants avec la nouveauté, le groupe Airwave, le morceau Sunday Break sorti sur le label Banzai Trans au mois de septembre. Mais tout de suite, il est 10h30, place à Stéphane Laroche pour l'agenda intergalactique et le meilleur des informations de proximité. Galaxy, Galaxy, number one for news. For news. Chloé Harris en concert, mardi 23 octobre 20h30 à la boîte à musique de Waterloo. Une soirée d'exception pour tous les amateurs de reggae qui pourront découvrir le nouvel album de Chloé Harris à l'occasion de sa tournée européenne. Invité exceptionnel de cette soirée, le guitariste Mohamed Koyasan, dont la renommée n'est plus à faire. Billetterie 03 20 75 85 86 ou sur bam.waterloo.online.fr. Concert de l'orchestre à cordes des trois cycles, jeudi 25 octobre 20h au Conservatoire de Roubaix. Invité de la soirée, les élèves des écoles de musique de Sosnowiec sous la direction de Stéphane Stananowski. Au programme, les quatre saisons de Vivaldi, Divertimento de Mozart ou encore les danses populaires de Bartok. Réservation 03 20 70 70 89 ou conservatoire@mairie-roubaix.fr. La journée départementale de l'AVC est programmée ce jeudi 25 octobre à la salle des fêtes de Vendrechy-les-Lilles. Expositions et rencontres avec les membres de l'association et des professionnels de santé. De nombreuses conférences animées par des médecins et membres de la fameuse association Accident Vasculaire Cérébral. Plus d'infos, 03 20 55 86 03. Exposition Regard d'un peintre italien sur la mine, à découvrir actuellement jusqu'au 31 décembre au centre historique minier de Levarde. Venez y admirer les œuvres de Giuseppe Flanguini, ses études, dessins, pastels, aquarelles et pointes sèches. Renseignements 03 27 95 82 82 ou sur chm-levarde.com. Toutes ces infos et bien d'autres encore disponibles comme toujours sur galaxyfm.com. Galaxy. sur Galaxy. Joli morceau signé de Airwave avec Sunday Break sorti sur Banzai Trans. On fait un crochet du côté des soirées pour ce samedi 20 octobre avec du côté du Bliss Club la soirée Resident Night et le duo DJ 6PO et Flamme. À la bûche, les Saturday's New Session avec Silver Sea et Frank G. À l'Escape Concept, soirée résident avec Dave, Luke, Kevin et Huggy Anton. À l'âge de Zoo, tu retrouves le trio Chris, Johan et Sima. Et on termine avec le Pulse Factory, la soirée Belle Funk Party avec CP, Michael Farzai dans le Lawrence Club, Victor et Laurent. Top, tu retrouves toutes ces informations directement en un clic, www.galaxyfm.com, rubrique information soirée. Et puis un petit clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent à travers internet sur l'adresse live.galaxyfm.com. On continue en rétro, en souvenir avec le morceau Delegate et le titre Won't You Stay. Galaxy, Galaxy. Music for happy people. Happy people. We'll be right back. Thank you. 6, Sound System, encore un classique de la rétro avec Insider, Boots of Run. N'oublie pas que tout à l'heure, après l'émission, entre midi et 14h, c'est l'émission Spiritual Choice, animée et mixée par Jimmy, qui reçoit en invité cette semaine Kevin de l'Escape. C'est un invité à ne pas manquer. Un mix tout à l'heure en direct, midi, 14h, Spiritual Choice avec Jimmy. Pour l'heure, nous, c'est la nouveauté avec un morceau sorti fin septembre sur le label Prida Records, le label d'Eric Prydz. Ça s'appelle Bellaton et c'est à découvrir tout de suite. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Galaxy, Sound System, bienvenue à toi si tu viens de nous rejoindre. Calé fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique. Tu es peut-être sorti hier soir, j'espère que tout se passe bien. Tu te réveilles tranquillement à l'écoute de la radio et de cette nouveauté signée sur le label Prida Records, le label d'Eric Prydz. Ça s'appelle Bellaton et c'est sorti fin septembre. Si tu es amateur de science-fiction, tu connais certainement un film sorti il y a plus de 20 ans qui s'appelle Blade Runner. La bande-son de ce film a été plusieurs fois samplée, notamment en techno-trance. Je te propose une version remixé, sorti en 1998, remixé par le groupe Sector 7, elle s'appelle Blade Runner Remix. With Galaxy. With Galaxy. Music remains on top. Avec à l'instant Sector 7, le remix de la bande-son de Blade Runner. Et pour arriver à mi-parcours de l'émission 11h, on démarre avec une nouveauté découverte la semaine dernière que vous avez plébiscitée. C'est Mika Leinonen avec son morceau Last Call from London. C'est sorti sur le label Well Mixed. Il est 11h sur Galaxy. Galaxy, out of time. Out of time. Radio Galaxy. New. music remains on top. Jérémy sur Galaxy. believe it. Now you're gone. Something stays within me. Said to me, les fréquences 95.30 pour le meilleur de la musique électronique. Merci de votre fidélité. Vous êtes à l'écoute de Sound System tous les samedis entre 10h et midi. Le meilleur de la rétro, des souvenirs et puis de la nouveauté. Également, tu viens d'écouter un grand classique, c'est Liquid avec Closer. Et on continue en nouveauté avec une production du label Nocturnal. C'est de la funk, un morceau sorti dans les années 80, remixé à la house du jour. C'est signé Sean Biddle et ça s'appelle You and I, à découvrir maintenant. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. C'est une nouveauté signée Sean Biddle avec You and I, sortie sur le label Nocturnal cette semaine. C'est de la disco funk, c'est plutôt pas mal, ça sonne commercial évidemment, mais ça n'enlève pas la qualité du morceau. Et vous pouvez me croire, on va certainement le réentendre d'ici les prochaines semaines, notamment dans une bande-annonce, soit de la Starac, de Popstar ou en tout cas d'une émission télé-réalité, parce que ça colle parfaitement au format. On continue dans notre machine à voyager dans le temps au niveau de la rétro avec un de mes morceaux préférés, c'est OT Quartet Hold That Sucker Down, que j'avais découvert en 1993, fin 93, début 94, à Lagoa, quand c'était DJ George qui mixait. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Happy. We'll be right back. Galaxy. Galaxy Weekend. Galaxy Weekend. Thank you. System, souvenir rétro à l'instant avec Peyote, le morceau Alcatraz. Il est 11h37 sur Galaxy, fréquence 95-30. Tout à l'heure, rendez-vous à ne pas manquer, ce sera Kevin de l'Escape, invité de Galaxy entre midi et 14h, invité de Jimmy dans le cadre de ses émissions spéciales Spiritual Choice. Ça démarre tout à l'heure à partir de midi. Pour l'heure, retour à la nouveauté avec Harris et Alice, une production du label Bonsai Urban. Ça s'appelle You Got Me Going. Galaxy, Galaxy. Music for happy people. Happy people. Happy people. With Galaxy. Music. Music remains on top. Sound systems. joli souvenir à l'instant avec Odyssey of Noise, le morceau Fire Dance. C'est Sound System. On fait un break au niveau de la musique, le temps de faire un tour d'horizon des principales soirées marquantes avec l'agenda ce soir, samedi 20 octobre, au Bliss Club, soirée résident avec le duo DJ 6PO et Flam. On continue à la bûche, les Saturdays News Station avec Silver Sea et Frank G. À l'Escape Concept, tu retrouves les résidents Dave, Luc, Kevin et Huggy Anton. Kevin qui sera au Platine de Galaxy dans quelques minutes entre midi et 14h avec Jimmy dans le cadre des émissions spéciales Spiritual Choice. On continue avec L'H2O, Saturday, le trio des résidents Chris, Johan et Simai. On termine avec le Pulse Factory ce soir, la belle funk party avec au platine CP, Michael Forza. Et du côté du Lawrence Club, tu retrouves Victor et Laurent Top. Et je te parle d'ores et déjà d'une soirée qui s'annonce exceptionnelle dans deux semaines, la veille du jour férié, le mercredi 31 octobre à l'Escape, la soirée So Retro, deuxième édition, avec au platine dans la première salle DJ HS, Yuri, Laurent Warin, Néon, Alex Keia, Guillaume, Kevin, Dave et Luc. Et puis dans la petite salle, il y aura Manu Kenton et Huggy Anton. Soirée à ne pas manquer, ce sera le mercredi 31 octobre à l'Escape, la soirée So Retro, deuxième édition, soirée 100% rétro. Plus d'infos sur www.escapeconcept.be. On continue en musique, en nouveauté, avec un morceau sorti la semaine dernière, sorti sur le label Total Digital. Ça s'appelle Save Me God. Il est produit par Ben versus Digital Nature, à découvrir maintenant. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Galaxy Weekend. Galaxy Weekend. Merci d'être arrivé, scotché, agrippé à ta radio, qu'à les fréquences 95-30 pour le meilleur de la musique électronique. Avec à l'instant un souvenir, c'était Mental Poison, signé du groupe Total Groove. Ainsi s'achève notre émission Sound System. On fait un rapide coup d'œil pour les soirées marquantes du côté de la Belgique. Ce soir, samedi 20 octobre, l'agenda avec du côté du Bliss Club, les Resident Night avec 6PO et Flamme. À la bûche, Saturday's New Station avec Silver Sea et Frank G. À l'âge de zoo, le trio des résidents Chris Johan, Simai, au Pulse Factory, la belle Funk Party avec CP, Michael Forzai du côté du Lawrence Club. Tu retrouves au platine Victor et Laurent Top. On termine avec l'Escape Concept, soirée résident ce soir avec Dave, Luc, Huggy Anton et Kevin. Tu retrouves toutes ces informations en un clic, www.galaxyfm.com, rubrique information soirée. Et puis Kevin est l'invité de la semaine dans le cadre des émissions spéciales Spiritual Choice. C'est l'invité de Jimmy. Kevin, pour ceux qui ne connaissent pas, il mixe à l'Escape. Il a commencé à mixer à l'âge de 18 ans. Il était résident des catacombes pendant 4 ans, résident aussi de La Capone. Il a fait plusieurs voyages sur Paris, au Queen, à la Seine, résident aussi le vendredi soir au VIP Club. Les catacombes ont fermé, il a rejoint l'équipe de l'Escape qu'il n'a plus quitté depuis. Il est au platine de Galaxy aujourd'hui entre midi et 14h aux côtés de Jimmy pour une spéciale Spiritual Choice. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme pour un autre Sound System entre 10h et midi. D'ici là, un clic sur internet www.soundsystem-mix.fr.